الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله نحمده كثيرا ونشكره كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Aujourd'hui, si Allah nous le permet, on entre dans le deuxième cours, dans lequel on étudie cette lettre ou cette épître qui a été écrite par un des plus grands savants de l'islam, qui est Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. On implore Allah de lui accorder l'accès au paradis et d'avoir pitié de lui, ainsi qu'à sa famille. Nous sommes en train de lire un livre qui nous parle de six fondements sur lesquels l'islam est basé. Parmi les fondements essentiels sans lesquels l'islam de la personne ne peut être correct, les six fondements cités dans ce livre et le shir qui est l'auteur de ce livre ou de cette épître nous a montré clairement la raison pour laquelle il a écrit ce message, qui n'est autre que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a démontré ses fondements dans le Coran et dans la Sunna d'une clarté telle que la personne douée de raison ne peut dévier de ce chemin et s'égarer. Malgré cela, la plupart des gens n'ont pas compris ces fondements après qu'Allah les ait bien éclairés dans le Coran et démontrés. À cause de cela, ils ont dévié de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et même provoqué sa colère. Et nous montre que très peu sont les gens qui comprennent ces fondements et qui les mettent en pratique et qui les transmettent. Ils sont donc des fondements importants et essentiels. Le premier qu'il a cité, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est le fait qu'Allah nous a donné l'ordre de n'adorer qu'une seule divinité, seule et sans associé, qui n'est autre qu'Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle Allah nous a créés, raison pour laquelle Allah a envoyé l'ensemble des messagers qui ont eu tous le même prêche, raison pour laquelle il a révélé les livres et pour laquelle également les gens se diviseront en deux le jour du jugement dernier, une équipe de personnes qui entreront en enfer et une autre au paradis. Et à travers le cours que nous avons pu donner par la grâce d'Allah hier, on a pu voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à ce but pour lequel nous sommes créés, qui est le fait de lui vouer le culte seul et sans associé. Et cela revient au sens de la parole La ilaha illallah. Allah nous montre avec différentes manières, il nous appelle dans le Coran à l'adorer seul et sans associé. Nous avons cité certaines ou quelques-unes de ces différentes manières citées dans le Coran, plus particulièrement 11. Nous avons montré également que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé une occasion ni une situation dans laquelle il pouvait montrer aux gens la gravité du pire des péchés qui est l'association. Il ne laissait pas non plus une situation dans laquelle il pouvait montrer aux gens que leur cœur, qu'ils doivent accrocher leur cœur à Allah sans le faire. Sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur de ce livre nous dit qu'Allah nous a démontré ce principe très clairement avec plusieurs méthodes. Et le prophète également, sallallahu alayhi wa sallam, avec des méthodes qui sont comprises par les gens de la masse, Et même s'ils ne savent ni lire ni écrire, même s'ils ont un manque dans l'intelligence, les versets dans lesquels Allah nous dit « وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » ne sont-ils pas assez clairs pour pouvoir se passer de commentaires? Allah nous dit dans des versets tels que celui qu'on a cité « Et adorez Allah et n'associez rien à Allah ». Ensuite le cheikh nous dit que malgré cet ordre et la clarté dans laquelle Allah nous l'a transmis, la plupart des gens l'ont contredit. Et ils sont donc tombés dans le pire des péchés et la plus grande des injustices qui contredit la raison même pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a fait exister, qui est l'association. Un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du pire des péchés et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak » que tu assignes à Allah un égal alors qu'il est celui qui t'a créé, que tu donnes à Allah un égal dans ce que seul Allah a le droit de recevoir, le culte et l'adoration, alors qu'il est ton créateur subhanahu wa ta'ala. Ensuite il nous dit, lorsque il est arrivé à la communauté et à la plupart de la communauté ce qui lui est arrivé comme changement, comme déviement et comme égarement, le diable leur a fait apparaître le monothéisme, l'adoration d'Allah seul sans associé, comme sous l'image d'un dénigrement des pieux. Et il leur a fait apparaître l'association sous la forme de l'amour que l'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous parle ici d'une partie parmi les gens. Cette partie parmi les gens a été égarée par Shaitan à un point où elle a été adorée autre qu'Allah, en croyant qu'elle se rapproche par Allah, qu'elle se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'elle ne fait que s'égarer d'un égarement très lointain, car elle a commis la pire des injustices, qui est l'association. Ces gens-là, plus particulièrement, sont ceux qui adorent autre qu'Allah en leur demandant ce que seul Allah est capable de donner, comme ceux qui se dirigent vers les tombes, vers les tombeaux et vers les édifices qui sont construits par-dessus les tombes, en pensant que les personnes qui y sont enterrées sont des personnes saintes, rapprochées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens se dirigent vers ces tombes afin de demander aux gens qui y sont enterrés les choses que seul Allah peut donner, comme la guérison, le pardon, la réussite, la guider, la protection contre tout mal. Certains même parmi ces gens qui commettent cet acte injuste qui est l'association pensent que ce qu'ils appellent le wali en arabe, traduit en français par le saint, celui qui est rapproché d'Allah, est capable de connaître l'invisible, est capable de connaître l'avenir. S'il est capable de connaître l'avenir, pourquoi n'a-t-il pas évité l'accident qu'il a eu? S'il est capable de connaître l'invisible, pourquoi est-il tombé lorsqu'il a marché un jour parmi tant d'autres? Ne savait-il pas, étant donné qu'il connaît l'avenir, comme vous le prétendez, qu'en empruntant ce chemin, il va tomber? Pourquoi est-il tombé? S'il connaissait l'avenir, comment se fait-il qu'il a mangé une nourriture à cause de laquelle il a attrapé une maladie dans son estomac? Pourquoi n'a-t-il pas évité de manger cette nourriture qui a causé sa maladie s'il connaissait l'avenir? Il pense que ces gens-là connaissent l'avenir et pense que ces gens-là sont tellement proches d'Allah qu'ils ont besoin de les prendre pour intermédiaires, pour formuler leurs demandes à Allah. Ils disent qu'ils ont trop de péchés et qu'ils ne peuvent pas demander à Allah directement, car Allah ne va pas les accepter. À cause de cette raison, ils se dirigent vers les tombeaux dans lesquels se trouvent des gens enterrés. Ces gens qui y sont enterrés, peut-être sont des gens châtiés par Allah, peut-être sont des gens qui eux-mêmes ont besoin qu'Allah leur pardonne, les pardonne. Donc, ils ont fait une grave erreur. Et lorsque les gens qui prêchent au monothéisme pur, à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans associer Allah uniquement, lorsque ces gens-là sont allés voir les associateurs pour leur dire « Vous commettez une immense injustice en demandant ce que l'on ne doit demander qu'à Allah », ils ont dit « Vous ne respectez pas les saints et vous dénigrez les pieux. Comment dites-vous une chose pareille qu'on ne peut pas demander aux pieux alors qu'ils sont rapprochés d'Allah, aimés d'Allah? Allah leur a accordé un rang spécifique, un haut rang. Allah les aime. » Regardez comment le shaitan a montré à ces gens-là l'association sous la forme d'une bonne action. Et c'est de ça que le shaykh nous parle. Il nous dit, malgré la clarté des textes dans lesquels Allah nous interdit l'association et nous ordonne de n'adorer qu'une seule divinité qui est Allah, subhanahu wa ta'ala, des gens sont arrivés à être induits en erreur par le shaitan à un point où ils ont cru, en faisant le pire des péchés, faire la meilleure des actions. Wal'iyadu billah. Et le refuge n'est à demander qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans la biographie de cet homme, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, on voit qu'il se dirigeait vers les tombes dans lesquelles étaient enterrés des gens. Et parmi ces tombes, celle où était enterré Zayd ibn al-Khattab, le frère de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, pour y trouver des gens qui demandaient à Zayd ce que on ne doit demander qu'à Allah, la guérison, la réussite et bien d'autres choses encore que seul Allah est capable de donner et qui ne sont que dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il s'arrêtait près des tombes et qu'il voyait les gens dire « Ya Zayd, oh Zayd, donne-moi telle et telle chose », il leur disait « Allahu khayrun min Zayd, Allahu khayrun min Zayd, Allah est meilleur que Zayd, Allah est meilleur que Zayd. Comment demandez-vous à Zayd? C'est une créature enterrée. Et vous délaissez la demande à celui qui l'a créé lui et la terre dans laquelle il se trouve. » Et comme cela, ce cheikh a débuté son prêche. Et lorsqu'il a été sincère et Allah a vu dans son cœur la pureté de l'intention, il l'a assisté dans son prêche pour le faire par la suite réussir et être la cause du retour des gens au monothéisme. Et c'est le rôle du musulman qui doit ne pas laisser une situation dans laquelle est commise l'association sans mettre en garde les gens qui la commettent. Une situation dans laquelle il y a un manque dans le monothéisme sans mettre en garde les gens qui ont ce manque. Ensuite, le shaitan leur a montré cette association lorsqu'ils demandent au tombeau, lorsqu'ils invoquent que ce soit des prophètes, des anges ou des personnes enterrées. Shaitan leur a fait croire que c'est une belle action aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pensez-vous que c'est le cas et qu'Allah aime un tel acte? Bien au contraire. Et c'est le premier fondement que le shaykh ici a montré, qui se résume dans la concrétisation du but pour lequel on a été créé, l'adoration d'Allah seul et sans associé. Et le fait de comprendre que seul Allah guide les cœurs, car malgré la clarté des textes qui nous montrent l'obligation d'obéir à Allah et de n'adorer qu'Allah et l'interdiction d'adorer autre que lui, la plupart des gens se sont égarés de ce principe. N'entendez-vous pas, dans beaucoup de pays, des gens lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, difficulté, maladie, s'empresser vers les tombes et croire que la personne qui s'y trouve est capable de lui dissiper l'épreuve qui l'a touché, n'entendez-vous pas ce nombre de gens qui, lorsqu'ils sont touchés par une maladie ou un problème, se précipitent vers les sorciers, se précipitent pour aller voir les sorciers et pour commettre l'association à Allah subhanahu wa ta'ala? Combien sont les gens qui éprouvent une peur pour les sorciers, semblable à la peur que l'on doit éprouver pour Allah subhanahu wa ta'ala? أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ. Allah a dit, est-ce que celui qui crée est semblable à celui qui ne crée pas? Allah a dit également, إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ce n'est que le diable qui vous fait peur avec ses alliés. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vraiment vous êtes croyant, si vraiment vous avez la foi, la vraie foi. Demande aux croyants de ne craindre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi biyadihi malakutu kulli shay, celui dans la main duquel il y a la royauté et la possession de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. قل أفرأيتم الذين تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Voici la parole d'Allah, le créateur des cieux de la terre, dans laquelle il nous dit, ô messager d'Allah, dis à ces gens-là, informez-moi au sujet de ces divinités que vous invoquez en dehors d'Allah. Si Allah me voulait quelconque nuisance, serait-il capable de la repousser? Et s'il voulait pour moi une miséricorde, serait-il capable si Allah me voulait quelconque nuisance, serait-il capable de la dissiper? Et si Allah me voulait miséricorde, serait-il capable d'empêcher cela, que cette miséricorde ne m'atteigne? Dis, Allah me suffit. Et c'est en lui que les croyants placent leur confiance. Les versets sont tellement nombreux dans le Coran qui nous parlent de l'appel des cœurs à se diriger vers Allah. Et malgré ça, regardez l'état de la communauté. Et le secours est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, inshallah, nous entrons dans le deuxième fondement, qui est un des fondements essentiels sur lesquels est basée la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sans lesquels le musulman est faible dans sa religion. Et je ne dis pas sans lesquels la religion est faible, mais le musulman est faible, car la religion, elle, n'est jamais faible, mais le musulman, lui, peut faiblir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-islam ya'lu wa la yu'la alayhi. L'islam est une religion élevée et rien n'est élevé au-dessus d'elle. Le musulman, lui, peut être rabaissé à cause de ses péchés, mais l'islam n'est en aucun cas rabaissé. Ce deuxième fondement, le cheikh rahimahullah nous dit, أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. Allah a donné l'ordre aux musulmans de s'unir dans la religion et leur a interdit de se diviser dans celle-ci. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. Allah nous a démontré ce principe très clairement, de sorte à ce que même les gens de la masse puissent comprendre. وَنَهَانَا أَن نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا. Et il nous a interdit d'être comme ceux qui se sont divisés puis qui ont divergé. Cela a causé leur perte parmi les gens qui nous ont précédés. وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ ونهاهم عن التفرق فيه. Et Allah a mentionné dans le Coran qu'il a donné l'ordre aux musulmans de s'unir dans la religion. De même, il leur a interdit de se diviser dans celle-ci. وَيَزِيدُهُمْ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُنَّةُ مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَبِ فِي ذَلِكَ. Et les textes de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montrent ce principe d'une clarté telle que la personne s'en étonne, se demande comment, après une clarté telle que ces textes, une personne peut dévier de cette voie. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. Après cela, après cette clarté des textes du Coran et de la Sunna, les choses ont changé à un point où, pour les gens, la science et la bonne compréhension de la religion est devenue la division et la divergence. وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الزنديق قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المنافق. Ensuite il dit, et l'union dans la religion par pour ces gens-là qui se sont égarés, lorsque quelqu'un appelle à l'union dans la religion, c'est comme si qu'il était un hypocrite ou une personne folle, une personne qui a perdu la raison. Et c'est donc le deuxième point, ou deuxième fondement, qui est cité par l'auteur de cette épître, ou de cette lettre, ou de ce livre. Ce point se résume dans l'ordre qu'Allah a donné à l'ensemble des musulmans de s'unir dans la religion. Et l'interdiction formelle de se diviser dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Parmi ses noms, Al-Wahidul Ahad, le seul et l'unique. Cette divinité qui est unique n'a qu'une religion, qui est l'islam. Cet islam, qui est la religion d'Allah, n'a qu'un chemin et n'a qu'une manière d'être pratiqué, qui est la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a qu'une manière d'être comprise, le suivi de ceux qui ont vécu avec lui, ceux qui ont été élus par Allah pour être les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'accompagner dans son prêche et pour voir de leurs yeux la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et écouter de leurs oreilles les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous faut donc maintenant connaître, puisqu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de s'unir et interdit de se désunir et de se diviser, nous devons absolument connaître quel est le chemin sur lequel Allah nous a ordonné de s'unir. Car beaucoup sont les gens qui prétendent à l'union, beaucoup sont les gens qui prétendent être unis conformément à ce qu'Allah a voulu d'eux, et beaucoup sont ceux qui accusent les gens qui sont dans le droit chemin d'être désunis et donc d'être tombés dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une question à laquelle nous allons essayer de répondre en se basant sur des textes qui sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la religion d'Allah est tellement importante, il n'y a pas une chose plus grande que celle-ci, il n'y a pas non plus une chose plus importante que la religion d'Allah. Elle est tellement importante qu'on ne peut en aucun cas parler dans celle-ci en se basant sur notre propre opinion ou notre propre point de vue, ou sur nos idées, nos sentiments, nos passions, et bien d'autres choses encore qui sont toutes mauvaises. Nous devons nous baser, lorsque nous parlons de la religion d'Allah, sur le Coran et la Sunna. Comment se baser sur autre chose que ces deux voies? Donc, Sachez qu'avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient dans une ignorance telle qu'ils commettaient des actes blâmables, des injustices énormes. Ils désobéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala, enterraient leurs filles vivantes, consommaient des boissons enivrantes et commettaient énormément de péchés. Ces gens-là sont restés dans cet immense égarement à un point où ils s'entretuaient les uns les autres, se détestaient, se battaient pour des choses futiles qui n'ont pas la moindre importance. Lorsqu'ils étaient dans ces ténèbres, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'envoyer son messager Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam pour les sortir de cet égarement, de ces péchés, de ces injustices, de cette division, et les rassembler autour d'un seul principe. La ilaha illallah. La phrase sans laquelle personne ne peut être musulman, personne ne peut être accepté. Le prophète a donc prêché les gens, a donc appelé les gens à comprendre cette parole et la mettre en pratique. Il allait dans les marchés et il disait « Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu » « Oh vous les gens, dites que seul Allah a le droit à l'adoration et vous réussirez. » Et les gens de répondre « جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Va-t-il réduire les divinités que nous adorons à une divinité unique? Voici là une chose étonnante. Telle fut la réponse des gens dont les cœurs étaient remplis d'adoration d'autre qu'Allah, l'association. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné aux musulmans de s'unir derrière la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le verset, dans surat Ali Imran, Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez eu la foi, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en pleine soumission. Le Cheikh Al-Allama Abdurrahman ibn Nasser Sa'di rahimahullah nous dit, après qu'Allah nous a donné l'ordre de le craindre comme il se doit et de ne mourir qu'en étant pleinement soumis, Allah va nous donner tout de suite le moyen de le craindre comme il se doit et de ne mourir qu'en étant pleinement soumis. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tout de suite après, Allah nous dit, et accrochez-vous tous ensemble et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et ne vous divisez pas. Et les savants ont plusieurs interprétations concernant le câble d'Allah mentionné dans ce verset qui se rejoignent toutes. Le câble d'Allah est le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la religion d'Allah. Toutes ces choses-là se résument dans le câble d'Allah sur lequel Allah nous a ordonné de se cramponner, ou auquel Allah nous a ordonné de se cramponner en employant le mot wa'tasimu. Et le mot en arabe i'tisam signifie ittikhadhu ma ya'simuka min al-makhouf minhu. Le fait de prendre, de s'accrocher à ce qui va être pour toi une protection contre ce que tu crains, contre le mal, contre l'égarement et contre toute autre chose parmi les choses que tu appréhendes et que tu crains. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de le craindre et nous montre que personne ne peut le craindre correctement ni mourir en pleine soumission si ce n'est après l'union, après le fait de s'accrocher dans le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la chose maintenant qui peut nous aider à se cramponner au câble d'Allah? Allah nous donne la réponse dans le verset même. Wa dhkuru ni'mat Allahi 'alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Tout de suite après, Allah nous dit: et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Alors que vous étiez des ennemis, Allah a uni vos cœurs. Et vous étiez sur le bord d'une falaise. Vous avez failli vous écrouler dans le feu et tomber de cette falaise. Et Allah vous en a sauvé. Regardez le lien ici qu'il y a entre le fait qu'Allah nous dit qu'avant l'islam, les gens étaient sur le bord d'une falaise, prêts à s'écrouler, et avec la parole d'Allah, wa'tasimu bihablillah, et cramponnez-vous au câble d'Allah. Allah veut ici nous enseigner un grand point qui est que l'homme qui est égaré est à l'image d'une personne qui est au bord d'une falaise, qui peut s'écrouler d'une minute à l'autre, d'un moment à l'autre. Et qu'à ce moment-là, elle a besoin de s'agripper et de se cramponner à quelque chose. Et en l'occurrence, une corde. C'est la chose qui vient le plus rapidement à l'esprit. Pour cela, Allah nous dit, vous étiez dans un égarement tel que vous étiez à l'image de celui qui est sur le bord d'une falaise et qui va s'écrouler. Et je vous ai tendu le câble. Je vous ai tendu le câble auquel vous devez vous cramponner pour justement ne pas vous écrouler. Et où les gens vont s'écrouler s'ils ne se cramponnent pas au câble d'Allah? Dans le feu de l'enfer. Quel est le câble d'Allah? Le Coran et la Sunna. Allah nous a ordonné de suivre le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le grand imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق وهو من أعظم أصول الإسلام. Et cet immense fondement qui est l'ordre de s'accrocher tous ensemble au câble d'Allah et de ne pas se diviser fait partie des fondements les plus grands chez Allah Azza wa Jal. وَمِمَّا عَظَمَتْ وَصِيَّةُ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ فِي كِتَابِهِ. Et parmi les plus grandes choses auxquelles Allah nous a enjoint, ou parmi les plus grandes choses qu'Allah nous a enjoint de faire dans son livre, وَمِمَّا عَظَمَ ذَمُّهُ لِمَنْ تَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ. Et ce fondement fait partie des choses les plus reprochées par Allah et les plus blâmées par Allah lorsqu'elles ont été délaissées par les gens du livre et autres encore. Lorsque les gens ont délaissé le fait de se cramponner au câble d'Allah, ils ont été blâmés par Allah et Allah leur a fait le plus grand reproche. وَمِمَّا عَظَمَتْ بِهِ وَصِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَوَاطِنَ عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ. Également, ce principe fondamental fait partie des plus grandes choses que le prophète messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de faire dans diverses situations, générales fussent-elles ou particulières. Dans des situations générales, lorsqu'il se retrouvait en la présence de nombreuses personnes, et également lorsqu'il se trouvait en la présence de gens qui sont plus proches que lui, le prophète n'a cessé d'appeler à l'union. Ensuite, il nous dit: wa awwalu ma fa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-mu'akhat bayn al-muslimin. Et la première chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a faite lorsqu'il est arrivé à Médine après l'émigration, la première chose qu'il a faite, Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que le voyage du messager d'Allah, l'émigration de la Mecque en direction de Médine, a duré 12 jours. 12 jours de voyage. 12 jours de souffrance. Quelle est la première chose qu'une personne qui a fait un tel voyage pense à faire lorsqu'elle arrive? Se reposer, boire, manger. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam trouve son repos dans l'union, dans la religion d'Allah. Pour cette raison, la première chose qu'il a fait, alayhi salatu wa sallam, il a fait ce qu'on appelle la fraternisation. Il a fraternisé entre les gens de Médine et les gens de la Mecque. Il choisissait une personne parmi celles de la Mecque et une autre parmi celles de Médine pour leur dire, à partir de maintenant, vous êtes frères et vous devez rester ensemble. Également, nous voyons donc dans tous ces textes l'importance de l'union dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَعِيسَى وَمُوسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Allah a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après lui aux musulmans, Allah vous a légiféré en matière de religion la même chose qu'il a légiféré au prophète Nuh, de même la chose qu'il t'a légiféré, il s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à Ibrahim, Isa et Moussa. Quelle est donc cette chose? An aqimu ad-din, mettez en pratique avec fermeté cette religion. Wa la tatafarraqu fi, et ne vous divisez pas dans celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui se sont divisés dans leur religion. Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a ahzaban lasta minhum fi shay. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont divisé leur religion, qui se sont divisés, chacun est parti suivre sa propre opinion au lieu de suivre les enseignements d'Allah et les enseignements du messager qu'Allah leur avait envoyé parmi les communautés qui nous ont précédés. Ils se sont divisés et chacun est parti suivre sa propre opinion, son propre point de vue. Certes, ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus à cause de ça des fractions séparées, des groupes ou des sectes, tu ne fais partie en aucun cas d'eux. Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as rien à voir avec eux. Donc la division est une chose blâmée d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir de là, on voit la gravité de la division, de même qu'on voit l'importance de l'union. Mais de quelle union Allah nous parle? Quelle est cette division qu'Allah nous interdit de commettre dans le Coran et dans la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous devons maintenant savoir que cette union qu'Allah nous ordonne de mettre en pratique a des fondements sur lesquels il est basé. Des fondements essentiels qui nous font comprendre qu'est-ce que l'union et qu'est-ce que la division. Des fondements qui nous donnent le discernement, la distinction claire entre l'union et la division. Car cette chose est confuse dans l'esprit de la plupart des gens. Certains pensent que l'union veut dire le ramassage d'un grand nombre de personnes. Certains pensent que la désunion veut dire mettre en garde contre ce qu'Allah a interdit. Lorsque l'on va mettre en garde contre une désobéissance, que celle-ci soit de l'association, ou bien une innovation, ou un grand péché, certains pensent que cette chose-là est une désunion, ou une route qui mène à la désunion, bien au contraire, comme nous allons le voir. Donc les gens ont besoin d'être éclaircis sur ce principe, afin de comprendre quelle est l'union qu'Allah nous a ordonné de concrétiser, et sans laquelle personne ne peut réussir. Nous devons donc savoir que les bases, al-usus, allati buniya 'alayha al-ijtima' al-matlub shar'an fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, hadhihi al-usus tatalakhasu fi ittiba'i tariqati as-sahabati radiyallahu anhum li'annahum alladhina 'ayashu rasulallah wa jalasuhu wa الذين تعلموا وتلقوا العلم من فم النبي صلى الله عليه وسلم. Sachez premièrement que ces fondements sont basés sur le suivi strict de la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ces gens-là ont été choisis par Allah pour accompagner ce messager. La personne qui suit autre que les compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a suivi autre que les gens qu'Allah a élus et choisis. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit: Inna Allah nazara fi qulubi al-ibad, فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. Certes, Allah a regardé les cœurs de ses serviteurs. Il a vu que le meilleur des cœurs est celui de Muhammad صلى الله عليه وسلم. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم. Puis il a regardé les cœurs après avoir regardé celui de Muhammad صلى الله عليه وسلم. فوجد خير القلوب قلوب صحابته رضي الله عنهم قلوب أصحابه. Et il a vu que les meilleurs des cœurs sont les cœurs de ses compagnons, qu'Allah les agrée. فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. Et pour cela, il en a fait les ministres de son prophète qui combattent avec lui pour sa religion, qui dépensent des efforts avec lui pour sa religion. Comment suivre une autre personne ou des autres personnes que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam? Sachez également que les fondements que nous allons citer sont les fondements sur lesquels est basée l'union qu'Allah nous a demandé de concrétiser. Premier fondement: celui qui a un stylo et une feuille doit écrire, parce que l'union égale le paradis, la désunion égale l'enfer. Premier fondement: l'ajtima' abadan illa ala tawhid rabb al-ibad wa ala kalimati la ilaha illallah. Aucune union, jamais d'union, si ce n'est après la concrétisation de l'adoration d'Allah seul et sans associé, la mise en pratique et compréhension de la parole la ilaha illallah, at-tawhid, le monothéisme pur, raison pour laquelle Allah nous a créé, envoyé les prophètes et révélé les livres. C'est le premier principe sur lequel les musulmans doivent s'unir. Il n'y a pas d'union lorsque des gens se rassemblent et se divisent dans leurs dogmes et leurs croyances. Certains parmi eux ont pour croyance que les saints, ou ceux qu'ils appellent les pieux, connaissent l'invisible. L'autre pense que autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être suivi ou mérite l'adoration. D'autres pensent que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam a le droit à être adoré. Ces gens, même si leur nombre est très grand et qu'on les voit à l'œil nu rassemblés, ne sont que divisés et n'ont en aucun cas concrétisé l'union qu'Allah leur a ordonné de mettre en pratique. Parce qu'Allah ne veut pas du nombre. Allah veut l'union véritable, pure, sur l'obéissance d'Allah, sur le monothéisme, sur le fait que lorsque les gens s'unissent, ils n'adorent qu'Allah, ils ne placent leur confiance qu'en Allah, ils n'invoquent qu'Allah, ils ne craignent que le châtiment d'Allah, ils n'espèrent que la miséricorde d'Allah. Le seul qui a réussi à occuper la plus grande place ou toute la place dans leur cœur est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui est leur raison de vivre est Allah subhanahu wa ta'ala. Une telle personne a concrétisé l'union, et même si elle est seule, on dit de cette personne qu'elle a concrétisé l'union. Et nous allons voir ça à travers une parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu que nous allons citer insha'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ou dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans surat al-Anfal, surah les butins, la 8e surah du Coran: wa allafa bayna qulubihim لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. من الذي ألف بين قلوب الصحابة بعد أن كانوا متحاربين فيما بينهم متقاتلين متباغضين Allah a dit dans ce verset, et il a uni leur cœur. Si tu dépensais tout ce que la terre contient pour unir leur cœur, tu n'aurais pas pu le faire. Mais c'est Allah qui les a réunis. Et certes, il est puissant et sage, subhanahu wa ta'ala. Qui est celui qui a réuni les cœurs des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la division dans laquelle ils étaient à un point où ils s'entretuaient les uns les autres? Il suffisait juste qu'une personne récite un vers de poésie pour déclarer une guerre, de laquelle va découler un nombre conséquent de morts, de blessés. Et beaucoup de mots vont découler de cette guerre à cause d'une seule parole. Avec l'argent, ils n'ont pas réussi à s'unir. Avec le bas monde, ils n'ont pas réussi à s'unir. Quelle est la chose qui a uni ces personnages? La ilaha illallah. Allah rappelle ce principe au prophète et leur dit, il a uni leur cœur. Si tu donnais tout ce que la terre possède ou contient, imagine-toi une dispute entre des gens, entre deux tribus parmi les gens. Le prophète dit, Allah dit au prophète alayhi salam, si tu leur donnais toute la terre et tout ce qu'il y a dans la terre, avec ses richesses, l'or qu'on peut y trouver, les diamants, le pétrole, la nature, tout l'océan, tous les animaux et tout ce que l'on trouve dans la terre, tout cela, tu ne parviendrais pas à unir leur cœur. Regardez ici, Allah nous enseigne une chose. La seule chose qui peut unir les cœurs, la ilaha illallah. Pas autre chose que cela ne peut unir les cœurs. Mais c'est Allah qui a uni leur cœur. Donc voyez, la première chose sur laquelle on doit s'unir. Et pour cela, Allah nous dit dans Surat Al-Hashr, l'Exode, il nous dit, تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Tu les penses unis, et en vérité leurs cœurs sont divisés et désunis. Il en est ainsi, car ils sont un peuple qui ne raisonne pas. Regardez comment Allah éduque le musulman, le croyant. Il nous dit, ne crois pas que l'union que je vous demande est le nombre et l'apparence et l'aspect. Pas du tout. L'union que je vous demande, c'est l'union des cœurs, celle qui ne peut avoir lieu qu'après la concrétisation de la ilaha illallah. Parole pour laquelle Allah a envoyé l'ensemble des messagers et pour laquelle ils se sont sacrifiés pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. À partir de là, mes frères et sœurs, nous comprenons que la base de tout pour s'unir, c'est de n'adorer qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Comment après cela? Comment après cela critiquer les gens qui prêchent à Allah sincèrement, les gens qui veulent sortir des âmes de l'enfer en les mettant en garde contre le polythéisme, contre l'association, lorsque l'on dit ou lorsqu'ils disent à des gens, arrêtez d'invoquer les tombes, arrêtez de croire que autre qu'Allah peut connaître l'invisible, arrêtez de croire que les sorciers ont quelconque pouvoir dans leurs mains. Voici qu'ils se rebellent, ils se renfrognent. Allah a dit dans surat Az-Zumar, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Et lorsqu'Allah est évoqué seul, parce qu'on dit la ilaha illallah, n'adorez qu'Allah, arrêtez l'association, revenez à Allah, ne placez votre confiance qu'en Allah, ces gens-là que vous adorez sont faibles, ces gens-là n'ont aucun pouvoir. اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Les cœurs de ceux qui ne croient pas en le-delà s'excitent. Ils ne supportent pas de telles paroles. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Et lorsque ceux qui ont adoré, ceux qui sont adorés en dehors de lui, sont évoqués, ils se réjouissent. Ils se sentent bien. Lorsqu'on leur dit de demander l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam, chose interdite par le messager d'Allah lui-même alayhi sallatu wa sallam, combien sont les gens lorsqu'ils font tomber ne serait-ce qu'une chose qu'ils Ishfa, ya Rasulallah, Iyadan Billah, intercède, ô messager d'Allah. Ils ont demandé l'intercession à autre qu'Allah. Ils ont commis l'association. Combien sont les gens qui, lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ou lorsqu'ils veulent faire croire quelqu'un, ils disent, je jure sur Al-Wali Al-Fulani, je jure sur le tel saint, je jure sur le prophète de l'association. A-t-on le droit de jurer par autre qu'Allah? Alors que le prophète Al-Sallam a dit, Man halafa bi ghayrillahi faqad ashrak, celui qui jure par autre qu'Allah a associé. Combien sont les gens qui portent des talismans ou des amulettes ou des mains de Fatma, comme ils appellent ça, soi-disant pour repousser l'œil? Tu as voulu repousser un mal, tu es tombé dans un mal pire encore. Et celui qui commet un tel acte, en aucun cas ne repousse le mal. Car une chose t'a échappé, seul Allah repousse le mal, seul Allah apporte le bien. قال الله تعالى في كتابه الكريم, Allah a dit dans son livre, dans son noble livre, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Ce qu'Allah ouvre aux gens comme miséricorde, personne ne peut le retenir. Et ce qu'Allah envoie aux gens comme ce qu'Allah envoie aux gens, مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مَا رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا, ce qu'Allah ouvre aux gens comme miséricorde, personne ne peut le retenir. Et ce qu'Allah retient comme miséricorde, il ne veut pas la donner, فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ, personne ne peut la relâcher après cela. Lorsqu'un bien t'atteint, ce n'est que parce qu'Allah l'a voulu, par miséricorde. Et lorsqu'un mal t'atteint, ce n'est que parce que la sagesse d'Allah est tellement parfaite qu'Allah a su qu'il a fallu que tu sois éprouvé par ce mal, bien précisément, pour un résultat connu par Allah et ignoré de toi, car tu n'es qu'un faible serviteur et lui est le savant parfait, qui n'a aucun défaut. Subhanahu wa ta'ala. Et tel est le prêche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura jamais d'union, quand bien même les gens seraient des milliers de personnes, il n'y aura jamais d'union derrière l'association à Allah. Comment pourrait-il y avoir une union derrière le pire des péchés? Celui qui associe Allah est l'ennemi d'Allah. L'ennemi d'Allah, comment pourrait-il être uni? Wal'iyadu billah. Que dire alors de ces gens qui ont suivi une méthode d'adoration d'Allah fausse, égarée, comme la voie du soufisme, qui n'est en rien l'islam demandé par Allah. Cette voie dans laquelle il y a des manières bien particulières d'invoquer Allah, et dans laquelle on a pour conviction que si on dit tant de fois telle parole, on aura le bonheur. Si on dit tant de fois telle invocation, en groupe, en chantant, en dansant, dans la mosquée, Allah nous préservera du mal. Cette voix qui a pour conviction qu'on doit embrasser les pieds du cheikh, ce cheikh-là ne dort-il pas? N'est-il pas malade? N'est-il pas sujet à l'erreur, à la faim, à la soif, à la maladie? Ce cheikh-là n'est-il pas faible? Ne tombe-t-il pas malade? Ce cheikh-là est un miskin, un faqir, un pauvre. Ya ayyuhan nas, antum al-fuqara'u ila Allah, ô vous les hommes, les gens, vous êtes les besogneux envers Allah. Vous ne pouvez vous passer d'Allah. Wallahu huwa al-ghani al-hamid. Et Allah est le riche. Il se passe de vous et il est digne de louange. Malgré qu'il se passe de vous et qu'il n'a en aucun cas besoin de vos adorations, il a le droit à votre louange parce qu'il est celui qui vous a comblé de ses bienfaits. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi 'aziz. S'il le veut, il vous efface et il fait venir à la place de vous ou à votre place une autre création, et certes cela n'est aucunement difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment, après l'entente de tels versets, une personne peut-elle se rabaisser et s'humilier par des actes qu'elle ne devait faire que pour Allah. J'ai vu de mes yeux une personne se prosterner pour son cheikh, une personne embrasser les pieds de son cheikh. Wal'iyadu billah. Est-ce qu'une telle personne a concrétisé le but pour lequel Allah l'a créé? Il y a des gens actuellement qui vont visiter la mosquée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous les voyons lorsqu'ils accomplissent la prière, totalement déconcentrés, les yeux qui sont dispersés à gauche et à droite, ici et là. Ils n'ont pas la moindre, ou ils ne reflètent pas de la moindre concentration et dévotion devant le Créateur des cieux et de la terre. Et lorsqu'ils se tiennent debout devant la tombe de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont pris par la plus grande humilité, la plus grande dévotion. Ils en pleurent. Wal'iyadu billah. Ils n'ont rien à voir avec le messager d'Allah. Enfin, sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma la taj'al wa qabri wa thana yu'bad. Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une divinité adorée. Deuxième point, sans lequel personne ne peut concrétiser l'union qu'Allah nous a ordonné de mettre en pratique, l'uzum tamassuki bi sunna wa nadhul bid'a. Deuxième point, le fait de s'accrocher fortement et constamment à la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et délaisser totalement l'innovation dans toutes ses formes, aussi infime soit-elle à l'œil de la personne, alors qu'en vérité elle est immense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique et connu rapporté par Tirmidhi selon Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Certes, celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. C'est une réalité qui sort de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils disent: ne parle pas de ces textes, ils divisent les gens. Les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam divisent les gens. Et toi, tu les unis? Quel égarement! Pour quelle raison le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne ces textes? Pour nous préserver de la désunion et de l'égarement. Il nous dit: celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences, alors qu'il s'accroche à ma sunna, à ma voie, et à celle de mes califes bien guidés, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum. Le prophète nous dit que la division est inéluctable, inévitable, et que la personne qui veut fuir la division n'a qu'une façon de le faire. Elle suit la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle s'y accroche. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que nous rapporte Abu Huraira: Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Il dit à ses compagnons alayhi salatu wa sallam: je vais vous laisser après moi une chose. Si vous vous y cramponnez, vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez pas après moi. Le livre d'Allah est ma sunna. Donc, celui qui innove dans la religion d'Allah, celui qui fait une chose nouvelle sur laquelle il n'y a ni l'ordre d'Allah, ni celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne l'accepte pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. Celui qui commet un acte sur lequel il n'y a pas notre ordre, celui-ci lui sera rejeté. Peu importe la personne qui commet cet acte, peu importe l'intention de la personne, celui qui innove dans la religion d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala n'acceptera en aucun cas cette innovation, car elle est un péché, une déviance de la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Billahi alaykum ya ikhwan, par Allah mes frères, en tant que musulmans qui cherchons l'agrément d'Allah, quel rôle avons-nous de mettre en garde les musulmans contre une innovation, une voie vers l'égarement, ou de les trahir et de leur dissimuler la vérité, et de ne pas leur dire sous prétexte que leur dire la vérité va les diviser? Quel rôle a le musulman? D'être honnête vis-à-vis d'Allah avant tout, aider ses frères et sœurs, ou bien de leur cacher la vérité et de les laisser innover dans la religion d'Allah? Pensez-vous que lorsque les prêcheurs à la sunna disent que le fait de fêter ou célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une innovation non acceptée d'Allah, qui provoque la colère d'Allah, pensez-vous qu'ils font ça par plaisir? Pensez-vous qu'ils font ça pour un but autre que la satisfaction d'Allah, un but autre que l'amour qu'il y a dans leur cœur pour leurs frères? Lorsqu'ils voient leurs frères innover dans la religion d'Allah, il est pris par la pitié pour eux. Il ne veut pas que ses frères s'égarent, il ne veut pas qu'ils entrent en enfer. Alors il leur dit: oh mes frères, je vous aime par Allah, n'innovez pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit à ses frères: ne lisez pas le Coran en groupe avec une voix. Lorsqu'il dit à ses frères: n'invoquez pas Allah en groupe, pensez-vous que c'est pour s'amuser qu'il fait ça? Quel est l'argent qu'il va avoir? Quelle est la rétribution mondaine qu'il va avoir? Rien. Pourquoi donc fait-il cela? Pour guider leurs frères vers la voie droite, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir de cela, tu as l'obligation de suivre la sunna et de délaisser toutes les innovations, et de mettre en garde, et de ne pas éprouver de honte ou de peur de dire à ton frère qu'il fait une innovation. Comment le délaisser cette mise en garde alors que ça lui cause l'enfer? À partir de là, tu dois connaître comment une personne tombe dans l'innovation. Avec une de cinq choses que nous allons citer, une personne tombe dans l'innovation. Une personne tombe dans l'innovation à cause d'une de ces cinq choses. Premièrement, aslul amal, la base même de l'acte. C'est-à-dire, lorsqu'une personne fait un acte dans lequel elle recherche l'agrément d'Allah, elle doit regarder si cet acte a une base, a un fondement. C'est-à-dire, elle doit regarder si cet acte a une preuve montrant qu'il est demandé et légiféré par Allah ou son prophète alayhi salatu wa salam. Lorsqu'une personne veut prier, elle prie parce qu'elle a entendu la parole d'Allah, wa aqimis salat. Lorsqu'une personne veut réciter le Coran, elle le récite parce qu'elle a entendu la parole d'Allah, utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salat. Lis, récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. Donc le musulman récite le Coran et accomplit la prière. Il appelle ça des adorations, il a un fondement, il a une base. Il s'est basé sur le verset, la parole d'Allah. Donc, quiconque parmi les gens fait un acte sans base, sans preuve, c'est une innovation rejetée d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, fi waqt al-amal, c'est-à-dire dans le temps de l'adoration. Quiconque parmi les gens veut faire un acte qui à la base est légiféré, mais il veut le faire dans un temps particulier en pensant qu'il y a une récompense particulière, est tombé dans l'innovation s'il n'a pas de preuve que cet acte doit être fait à ce moment-là. S'il n'a pas de preuve que cet acte doit être fait à ce moment-là, c'est une innovation. Si par exemple quelqu'un pense qu'il est bon d'invoquer Allah ou de lire un verset à une heure précise dans la journée, n'a pas de preuve, il a fait une innovation. Mais il va te répondre: je récite le Coran, ce n'est pas une innovation. Là, et toi, tu devras lui dire à ce moment-là: réciter le Coran n'est pas une innovation. Mais croire qu'il faut le réciter à ce moment-là est une innovation. Troisièmement, fi makan al-amal, dans l'endroit de l'adoration. Lorsque tu veux adorer Allah avec un acte qui à la base est légiféré, mais tu le fais dans un endroit particulier et tu crois que dans cet endroit-là, Allah va te récompenser, tu as innové dans la religion d'Allah. Si tu n'as pas de preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Les bagages ne sont faits que pour aller en direction de trois mosquées. C'est-à-dire qu'une personne ne doit prendre la route ou faire un voyage que dans trois mosquées si son voyage a pour but d'adorer Allah. La mosquée de la Mecque, de Médine et la mosquée de l'Aqsa. Donc, celui qui voyage vers un endroit dans lequel il veut adorer autre qu'Allah, dans lequel il veut adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il n'a pas de preuve qu'il doit adorer Allah à cet endroit-là, il doit accomplir une prière, mais il va l'accomplir dans un endroit spécial, à côté d'une tombe. Il a innové dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. À chaque fois qu'une personne te dit, il est bien de faire tel acte, à tel moment, demande-lui la preuve. À tel endroit, demande-lui la preuve. Quatrièmement, adad al-amal, le nombre de l'action. C'est-à-dire que lorsque tu veux faire un acte avec un nombre bien précis, en pensant qu'Allah va te récompenser parce que tu as fait un acte avec ce nombre bien précis, tu te dois d'avoir une preuve, car sinon tu innoves dans la religion d'Allah. N'est-il pas légiféré de dire subhanallah, walhamdulillah? Réponse, si. Si je dis, dire 500 fois subhanallah, walhamdulillah, après l'asr, est énormément récompensé par Allah. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai innové dans la religion d'Allah. Et pourtant, j'ai fait du rappel, légiféré. Mais j'ai cru qu'il fallait qu'il y avait un nombre précis. J'ai donc innové dans la religion d'Allah. Et cinquièmement, hay'atul fi'l, la manière de faire l'acte. Car il ne suffit pas de faire un acte que le prophète a fait, alayhi salam, mais il faut le faire comme lui l'a fait. Pour cela, il a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Il n'a pas juste dit, priez. Celui donc qui veut prier et qui ferait 5 raka'at ou une pour le fajr, est-ce que sa prière sera acceptée? Non, mais pourtant il a prié, il n'a pas prié comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième point que nous allons citer, et on est dans la fin inshallah, l'uzum fahm salaf linnusus, le fait de s'accrocher, se cramponner à la compréhension des vieux prédécesseurs des textes coraniques et prophétiques. Lorsque l'on veut comprendre le Coran ou la Sunna, on ne doit pas la comprendre avec notre opinion, avec nos passions, avec notre point de vue ou avec nos envies, ou parce que ce texte ne nous plaît pas. Sous cette interprétation, on interprète autrement. Non, loin de là. On doit interpréter ce texte comme il a été interprété par les compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont succédés, qui sont les trois premières générations. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa sunnatil khulafa ar-rashidin » Accrochez-vous à ma sunna et celle de mes califes bien guidés. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit, en parlant des compagnons et des plus prédécesseurs, « Hum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa dinin wa fadl » Ils sont au-dessus de nous, dans toute science, dans tout raisonnement, dans toute religion et dans tous les mérites. Wa kulli sababin yunalu bihi ilmun aw yudraku bihi huda. Et dans chaque cause avec laquelle on acquiert la science et on atteint la guidée. Donc celui qui veut comprendre les textes avec une autre manière que celle des pieux prédécesseurs, il se sera égaré. Et c'est l'ordre qu'Allah nous a donné de s'unir sur le Coran, la Sunna, sur le Tawhid et la compréhension des pieux prédécesseurs. Et Allah nous a interdit de se diviser. Wallahu a'lam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa atwan ala al-itala. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad.